Le sujet est douloureux et polémique, et il est en pleine actualité. Récemment encore, il a été au cœur des négociations entre Israéliens et Palestiniens, entre Barak et Arafat. Des négociations qui ont échoué justement parce que cette question n'a pas été résolue. Je veux parler, bien sûr, du dossier des réfugiés. Des réfugiés palestiniens, ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont abandonné leur maison et leur terre lors de la création de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, tout accord de paix doit englober le droit au retour de ces réfugiés. Pour les Israéliens, il n'en est pas question. Et d'abord, parce que ce retour accroîtrait exagérément le nombre de Palestiniens qui vivent déjà en Israël et qui sont donc citoyens israéliens. Mais derrière ce sujet épineux, il y a les conditions dans lesquelles ces réfugiés ont quitté leur pays. C'est là où commence la polémique. La thèse israélienne est bien connue. Les Arabes sont partis à l'appel des autorités palestiniennes et des pays qui étaient alors en guerre avec Israël. L'État hébreu n'a donc aucune responsabilité dans leur départ. Pour les Palestiniens, il en va tout autrement. En réalité, la population arabe a été chassée par l'armée israélienne. La justice commande donc que ces hommes, ces femmes et leurs descendants puissent revenir chez eux, le droit au retour est légitime. La question est donc très sensible. En Israël même, des voix se sont élevées pour que la version officielle du départ des réfugiés soit enfin révisée. Ceux qu'on a appelés là-bas les nouveaux historiens ont exigé que l'État hébreu assume ses responsabilités et reconnaisse enfin que tout a été fait pour provoquer le départ des autochtones d'origine arabe. Mais le gouvernement israélien campe sur ses positions et les archives de 1948 demeurent toujours interdites à ses historiens. Un étudiant israélien a même été attaqué en justice au mois de décembre dernier parce qu'il avait rédigé une thèse sur un massacre commis par Tzahal en mai 1948 dans le village arabe de Tantoura. Alors qu'il ne se passe pas une journée sans que des nouvelles alarmantes ne nous parviennent de cette région, alors que la question du Proche-Orient empoisonne les relations internationales depuis plus d'un demi-siècle, j'ai demandé à M. X ce qu'il savait de ce dossier sulfureux. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Comprenez-moi bien, je ne veux surtout pas jeter de l'huile sur le feu, car dès qu'on parle d'Israël, les passions l'emportent sur la raison. Mais c'est vrai que cette question des réfugiés est essentielle. Non, parce qu'elle est à l'origine même de la création d'Israël. Hein. Évidemment, elle porte en germe tous les drames auxquels nous assistons aujourd'hui. Et c'est pourquoi les Israéliens ont longtemps imposé le secret sur ce sujet. Non, ça commence quand même à évoluer, hein, en Israël même. Hein. Vous avez raison. Des historiens israéliens, parfois en coopérant avec leurs homologues palestiniens, ont essayé de creuser, ils ont peu à peu soulevé la chape de plomb qui pèse sur cette question depuis 1948 et la création de l'État hébreu. Des gens courageux qui ont été malmenés dans leur propre pays. Mais parce qu'ils remettaient en question l'histoire officielle. Naturellement, et parce que cette revisitation de l'histoire, comme on dit aujourd'hui, risquait d'influer sur le processus de paix, c'est-à-dire sur les difficiles et interminables négociations entre Israéliens et Palestiniens. Ouais. Alors par où voulez-vous commencer ? Je ne veux pas remonter trop loin, mais il faut quand même faire un petit peu d'histoire. Enfin, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. Allez-y, je pense que vous avez d'abord évoqué Herzl. Bien sûr, puisque c'est l'un des pères du sionisme. De quoi s'agit-il ? De la création d'un État des Juifs. En Palestine ? Pas obligatoirement. En fait, Herzl pense que la question juive ne pourra être réglée que par le regroupement des Juifs au sein d'un État indépendant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme est exacerbé. C'est le temps des pogroms en Europe orientale. Et de l'affaire Dreyfus en France. Oui, et ce n'est qu'au congrès sioniste de Bâle que Herzl évoquera la Palestine. Mais les sionistes ont très sérieusement envisagé leur installation dans d'autres pays, l'Ouganda ou encore Chypre. Ça, c'est plus surprenant. Mais vous avez dit État des Juifs et pas État juif. La nuance est importante, en effet. Herzl est un laïc, un nationaliste juif. et les rabbins commenceront par le combattre, parce que son mouvement n'est pas religieux. Enfin, avançons. Herzl et les siens finissent donc par imaginer une colonisation de la Palestine. Une colonisation, c'est-à-dire ben, la Palestine est alors turque. Ouais. Et il n'est pas question que le sultan autorise la création d'un État dans le cadre de l'Empire ottoman. Alors cette colonisation doit d'abord être économique et territoriale. Les sionistes vont encourager les juifs à venir s'installer en Palestine. Et ils font appel aux communautés juives du monde entier pour financer cette installation. Et aux banquiers juifs, bien sûr. Ouais. Au départ, c'est donc l'antisémitisme qui suscite le sionisme. Incontestablement. Et effectivement, au début du XXe siècle, on assiste à l'arrivée de milliers de juifs qui fondent des colonies agricoles. Ouais. Sur des terres qu'ils achètent ? Tout à fait. C'est d'autant plus facile qu'une grande partie du pays n'est pas exploitée. Ouais, donc le prix des terres est relativement faible. Oui, c'est ainsi qu'apparaissent les premières colonies collectivistes. Ouais, les kibbutz. Des colonies où ne travaillent que des juifs. C'est notable parce qu'à des rares exceptions près, ces colons n'exploitent pas la main-d'œuvre locale. Ouais. Justement. Comment réagit la population locale ? Bonne question. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des Palestiniens en Palestine, même si c'est vrai, le pays n'est pas très peuplé. Au départ, ça ne se passe pas trop mal. Mais il y a un phénomène qui va très vite être un facteur de dégradation. Les pionniers juifs achètent surtout aux grands propriétaires terriens. La conséquence immédiate, c'est que les fellahs qui cultivaient ces terres sont expulsés. Et remplacés par des travailleurs juifs. C'est ça. Et on va progressivement assister à des manifestations hostiles des Arabes contre les juifs. Certaines colonies sont attaquées, des juifs sont assassinés. Alors les pionniers doivent s'organiser, s'armer. Ce sera la naissance de la future armée juive. Est-ce que les Arabes se rendent compte que l'objectif final des sionistes, c'est de créer à long terme un État ? Bien sûr, et ça n'arrange pas les choses. Et avant même la Première Guerre mondiale, des partis antisionistes sont créés en Palestine. Et à ce moment-là, les juifs représentent quelle proportion de la population ? Environ 10%. C'est encore très très peu. Oui, mais je vous l'ai dit, les religieux en particulier et les rabbins d'une façon générale ne sont pas franchement sionistes. Bah, ils le deviendront. Pas tous. Il existe encore des juifs intégristes ou traditionalistes qui sont hostiles au sionisme. Pour eux, ce retour sur la terre promise est une hérésie. Pour quelle raison exactement ? Parce que le Messie n'est pas encore arrivé. Mais venons-en à 1917. C'est une date capitale pour la Palestine. La date de la fameuse déclaration Balfour dont vous avez certainement entendu parler. Oui, bien sûr, mais rappelez-moi, quels étaient les termes de cette déclaration ? Lord Balfour était le secrétaire aux affaires étrangères du gouvernement britannique. En novembre 17, il écrit que son gouvernement envisage favorablement l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Un foyer et pas un État ? Oui, mais il est clair que tôt ou tard, ce foyer deviendra un État. Toutefois, c'est encore prématuré de le dire, et puis ça fâcherait les Arabes. Or, en 1917, les Britanniques ont besoin des Arabes pour chasser les Turcs du Proche-Orient. Londres est donc à ce moment-là décidé à soutenir les sionistes. Mais il y a quand même une condition. Balfour ajoute que rien ne devra être fait qui puisse porter atteinte aux intérêts des non-juifs vivant en Palestine. C'est une simple clause de principe ? Je ne crois pas. Je vous l'ai dit, les Britanniques doivent faire attention à ne pas mécontenter les Arabes. Ouais. En somme, ils ménagent la chair et le chou. Oui. Mais en rendant publique cette déclaration de Balfour si favorable aux juifs, que cherche exactement Londres ? Rien n'est jamais tout à fait gratuit. Ouais. En réalité, les Britanniques poursuivent plusieurs objectifs. D'abord, c'est évident, ils lorgnent sur cette région. Et ils veulent profiter du dépeçage de l'Empire ottoman pour s'implanter au Proche-Orient. Ouais, ils vont réussir. Mais... Bien sûr, puisque la communauté internationale leur confiera un mandat de protectorat sur la Palestine au début des années 20. Il ne faut jamais oublier qu'il y a déjà des odeurs de pétrole qui flottent dans l'air de la région. Et Londres n'aura de cesse de renforcer son influence sur les États arabes qui seront créés à la fin de la Première Guerre mondiale, grâce à des hommes comme Lawrence d'Arabie ou Saint John Philby. Ça, c'est le père de l'espion, Philby. Oui, personnalité fascinante et ambiguë. Mais les Britanniques veulent aussi attacher à la cause alliée les Juifs américains hostiles à l'entrée en guerre des États-Unis. Pourquoi ils sont hostiles hein? À cause de la présence dans le camp allié de la Russie, dont le gouvernement est notoirement antisémite. Mais enfin, c'est le tsar. Ouais. La déclaration Balfour est donc essentielle et Londres va tenir sa parole sous le protectorat britannique. Des Juifs, toujours plus nombreux, émigrent en Palestine. Et ils fondent donc de nouvelles colonies. Naturellement, mais l'hostilité des Arabes augmente dans la même mesure. Et à la fin des années 30, une véritable guerre civile éclate en Palestine. C'est si grave que les forces anglaises ont le plus grand mal à rétablir l'ordre et que Londres décide de limiter l'émigration juive. La conséquence immédiate, c'est la rupture de fait entre le sionisme et la Grande-Bretagne et la création de groupes clandestins armés décidés à chasser le colonisateur britannique. L'Irgun. Et surtout le groupe Stern. Mais la Deuxième Guerre mondiale bouleverse la donne. Malgré leur rancœur, les sionistes, dans leur grande majorité, se rangent aux côtés des alliés. Oui, contre Hitler. Oui, à l'exception, encore une fois, des extrémistes du groupe Stern. Mais c'est vrai, beaucoup de sionistes vont s'engager dans les troupes anglaises et alliées. Il existera même une brigade juive, mais c'est une trêve. Dès la fin de la guerre, ils reprendront les hostilités contre les Britanniques en multipliant en particulier les actes de terrorisme. Enfin, toutefois, la situation a alors complètement changé. Pourquoi ? À cause de la Shoah. Oui. Les Occidentaux ont mauvaise conscience. C'est ça. Il ne faut pas oublier que lors de la guerre, la situation des Juifs n'a jamais été la priorité des Alliés. Pire, des réfugiés juifs ont été refoulés et contraints de rebrousser chemin alors même qu'ils fuyaient les persécutions nazies. Alors quand l'opinion découvre l'Holocauste, le sort des Juifs émeut le monde entier et il paraît de plus en plus difficile de leur refuser une terre. Alors paradoxalement, c'est la Shoah qui va permettre la création si rapide de l'État d'Israël après la guerre. Exactement. C'est Hitler qui a tout déclenché sans le savoir. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Hitler a-t-il une responsabilité dans la création de l'État d'Israël ? Le propos n'est pas aussi scandaleux qu'il n'y paraît. Ainsi, voici ce qu'écrit l'historien Élie Barnavi, aujourd'hui ambassadeur en France, dans son Histoire moderne de l'État d'Israël, paru en 1988 chez Flammarion. Au sortir de la guerre, la vision d'horreur des camps de la mort, la découverte de l'étendue du désastre, près de 6 millions de victimes, soit un tiers du peuple juif, les centaines de milliers de survivants hébétés dont personne ne veut, tout cela investit les thèses sionistes de la simplicité, de l'évidence. Pour que cela ne se reproduise plus, il faut aux Juifs une terre à eux. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du mouvement, l'adhésion des masses juives à travers le monde est pleine et entière, de même que la sympathie de l'opinion mondiale. Cela permet à l'historien israélien de conclure ainsi, pour choquant que cela puisse paraître, Hitler a certainement été le levier le plus puissant dans l'édification de l'État juif. Après la guerre, il existe des centaines de milliers de juifs qui sont des survivants de l'Holocauste et qui ne savent pas où aller, et qui ne veulent surtout pas revenir dans leur pays d'origine. En attendant, on les a confinés dans des camps de personnes déplacées, et beaucoup d'entre eux rêvent d'aller en Amérique ou en Palestine. En Palestine plus qu'en Amérique ? Non, c'est le contraire. Mais les États-Unis sont très chiches quand il s'agit de distribuer des visas d'immigration. Malgré la Shoah. Oui, malgré l'horreur de la Shoah. Et c'est d'autant plus étonnant que les Américains sont parmi les plus fervents partisans de l'accueil des Juifs en Palestine. Ouais, c'est-à-dire chez les autres, mais pas chez moi. C'est à peu près ça, oui. Pour Washington, c'est simple. Les personnes déplacées, comme on les appelle, doivent rejoindre la Palestine. Mais elles sont combien, ces personnes déplacées ? À peu près 100 000 Juifs se trouvent dans les camps en Autriche et en Allemagne. Toutefois, je dois nuancer mon propos. Les Américains se rendent bien compte qu'en encourageant l'émigration juive, ils risquent de se brouiller avec les États arabes de la région. Or, les États arabes, c'est le pétrole. Le pétrole. Et par conséquent, les Américains doivent être prudents. Oui, d'autant que dans la compétition qui s'amorce entre l'Est et l'Ouest, il est évident que la région revêt une grande importance stratégique. Mais on va bientôt assister à une curieuse convergence entre Moscou et Washington. Une convergence ? Oui, sur le statut de la Palestine. Et pour des raisons diamétralement opposées. Les deux grands finiront par encourager et approuver la création de l'État d'Israël. Mais enfin, n'allons pas trop vite. En attendant, comment réagissent les autorités britanniques qui administrent toujours la Palestine ? Il y a toujours le mandat. Hein. Oui, ben Londres est fermement décidé à appliquer sa politique mise au point avant-guerre. C'est-à-dire la limitation de l'immigration juive. Et le gel des achats de terres par les sionistes. Mais cette attitude entraîne une riposte immédiate des juifs déjà installés en Palestine. Non seulement les groupes clandestins créés avant-guerre. L'Irgun et le groupe Stern. Oui, Stern n'a d'ailleurs jamais cessé de lutter contre les Anglais malgré la guerre. Et puis il y a la Haganah, une force armée mise en place dès le début des années 20 par l'agence juive. Donc, tous ces groupes favorisent l'immigration clandestine des Juifs, au mépris des ordres donnés par Londres, mais ils multiplient aussi les coups de main contre les Britanniques. Des attentats ? Des attentats très violents et des sabotages. Mmh. Le plus connu des attentats, c'est celui qui a été perpétré contre l'hôtel King David à Jérusalem. Oui, il a fait plus d'une centaine de morts. C'est l'Irgun de Menachem Begin qui a frappé. Mais il y en a beaucoup d'autres, tous dirigés contre les installations militaires britanniques et les soldats, bien sûr. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Il est terrible. En 1947, des militants de l'Irgun pendent deux sergents britanniques. Et après l'exécution, ils piègent les cadavres. Ouais, et ceux qui viennent les dépendre sont blessés ? Grièvement blessés, oui. Ouais. L'Irgun, le groupe Stern, la Haganah. Qu'est-ce qui différenciait ces trois groupes armés ? La politique. Disons, pour simplifier, que les deux premiers, l'Irgun et Stern, étaient composés d'ultra. D'extrémistes ? Oui, des gens de droite ou d'extrême droite, ce qu'on appelait les sionistes révisionnistes. La Haganah, qui était la ministre de l'agence juive, était au contraire beaucoup plus à gauche. Socialiste ? Si vous voulez. Il y avait même au sein de la Haganah une brigade de choc, le Palmach, qui était même marxiste et pro-soviétique. Ah, les sionistes étaient donc très divisés. Oui, oui, même si leur ennemi commun, c'était la Grande-Bretagne, qui limitait l'immigration juive. Mais c'est vrai, cette division entre des mouvements farouchement opposés a failli coûter très cher au sionisme, mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Ouais. Face à cette vague de terrorisme, que pouvaient faire les Britanniques ? Ce que fait toute puissance colonisatrice dans une telle situation, c'est-à-dire réprimer. Mais c'est le cycle infernal, puisque la répression ne fait que renforcer les convictions de ceux qui la subissent et suscite de nouvelles vocations de terroristes. Une situation sans issue, donc. Oui, d'autant qu'en Grande-Bretagne, l'opinion commence à gronder. Car le mandat britannique en Palestine commence à coûter très cher, en vie humaine, mais aussi financièrement, car il y a là-bas près de 100 000 soldats. Et c'est plus que ne peut se permettre un pays exsangue au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Britanniques sentent donc qu'ils vont être obligés de passer la main. C'est certain. Ouais. Et un événement dont vous avez forcément entendu parler va précipiter leur décision. De quoi s'agit-il ? Bah, de la tragédie de l'Exodus. Et ce bateau de réfugiés juifs. Oui, ils étaient 4 500. La plupart étaient des rescapés des camps de la mort. C'est le Mossad qui les avait rassemblés sur Surafio. Le Mossad, les services secrets ? Non, le Mossad qui deviendra plus tard effectivement le service de renseignement extérieur d'Israël était alors une organisation chargée de faire entrer clandestinement des juifs en Palestine. Et si je me souviens bien, ces réfugiés sont partis de France. C'est exact. En France, il faut le souligner, il existait alors de nombreux soutiens pour le mouvement sioniste. Des soutiens politiques ? Oui, à plusieurs reprises, qu'il s'agisse de permettre à des juifs de gagner clandestinement la Palestine ou de fournir des armes aux sionistes, les autorités françaises ont souvent fermé les yeux. Donc, les passagers de l'Exodus embarquent à 7 et le bateau se dirige vers la Palestine. Mais au large d'Haïfa, il est arraisonné par la Royal Navy. Violemment. Hein. Il est vrai que l'abordage n'est pas très doux. Les juifs qui veulent à tout prix débarquer en Palestine sont molestés. Il y aura même des morts. Et pourquoi cette violence ? À l'évidence, les Britanniques veulent faire un exemple et décourager les immigrants juifs. Mais ils vont obtenir un résultat parfaitement opposé. Le sort des passagers de l'Exodus va émouvoir l'opinion mondiale. D'autant que ces juifs vont être embarqués sans ménagement sur des navires de la Royal Navy et refoulés manu militari en Allemagne dans une zone contrôlée par les Anglais. C'est donc, à contrario, un succès pour les sionistes, un succès de propagande. Oui, oui. Un succès habilement exploité par la propagande sioniste. Mais c'est vrai que le sort qui a été réservé à ces rescapés de l'horreur était proprement scandaleux. Ouais. Qu'est-ce qui va changer exactement après cette affaire de l'Exodus ? Le monde se sent obligé de réagir. Et la Grande-Bretagne fait appel à la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Une commission d'enquête est envoyée en Palestine. Elle est chargée d'étudier la situation sur place et de faire des propositions. Dans quel sens ? Ben, une chose est acquise. La Palestine doit devenir indépendante. Ouais, et les Britanniques doivent donc renoncer à leur mandat. Contraints et forcés, oui. Mais derrière, il y a une autre question, mais beaucoup plus difficile. Faut-il créer un ou deux États ? Un État juif ? Et un État arabe ? Ou un seul État judéo-arabe, bref, la partition ou l'unité. Un vrai casse-tête pour cette commission d'enquête. Car les uns et les autres ont des arrière-pensées. Les sionistes en particulier sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ouais, c'est-à-dire eux, c'est la création d'un État juif. La création d'un seul État. Parce qu'ils ne veulent pas d'État arabe. Non, parce qu'à terme, ils veulent pouvoir disposer de toute la Palestine. Déjà à cette époque ? Déjà, oui. Il ne faut jamais oublier que pour les juifs religieux, la Bible est une sorte d'acte notarié qui leur donne le droit de coloniser ce qui fut leur terre il y a 2000 ans. Et en secret, les sionistes vont faire en sorte de ruiner le projet de partition qui va finalement être proposé par l'ONU. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Créer un État juif. Même au sein du mouvement sioniste, certains juifs doutent. En effet, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les juifs représentent moins de 30% de la population palestinienne. Et ils ne possèdent que 5% des terres qui sont en outre dispersées. Et depuis longtemps, les sionistes sont donc divisés sur la question. Voici par exemple ce qu'écrit Michel Warchowski dans un livre très récent, Israël-Palestine, le défi binational. Si l'existence d'une importante immigration juive en Palestine et la formation d'une communauté nationale font l'unanimité, la traduction politique de ce projet fait l'objet de débats animés. Autour de Vladimir Zev Jabotinsky, le mouvement révisionniste revendique la création d'un État juif sur l'ensemble de la Palestine, indépendamment des rapports de force démographiques, en ignorant tout simplement le droit des Arabes de Palestine. Ce qui implique, dans le meilleur des cas, un système d'apartheid, ou dans le cas le plus probable, le transfert de la population indigène hors des frontières de l'État juif. À l'autre extrême, le Brit Shalom, petit groupe d'intellectuels d'origine allemande, regroupé autour du philosophe Martin Buber, défend l'idée d'un État binational. Pour Buber et ses amis, la Palestine étant peuplée par deux communautés nationales qui se partagent le même espace, l'idée d'un État juif est irréaliste. Le projet de l'État binational permet aux deux communautés de vivre dans une large autonomie culturelle et politique, mais dans un cadre qui reste unitaire. Un État binational, en instituant une parité politique indépendamment du rapport de force quantitatif, a cet avantage de conjuguer situation minoritaire et souveraineté juive, sans pour autant impliquer des transferts de population que les authentiques démocrates que sont les membres du Brit Shalom se refusent d'envisager. Le livre de Warchowski a été publié aux éditions textuelles. Les sionistes devaient agir très vite, car dès le mois de novembre 1947, l'ONU adopte un plan de partage de la Palestine. Et dans cette affaire, Moscou a pesé tout son poids. Staline a été l'un des plus fervents partisans de la création d'un État juif. Quels étaient les intérêts des soviétiques? Ah, vous pensez bien qu'il n'entrait aucun idéaliste dans ce dessin, non? Staline, qui pratiquait à l'intérieur même de l'URSS une politique antisémite, voulait tout d'abord nuire à la Grande-Bretagne. En contribuant à la chassée de Palestine. Oui, et donc en enfonçant un coin dans ce Proche-Orient qui était une chasse gardée des Britanniques. D'autre part, Staline ne pouvait pas ne pas être indifférent à l'idéologie socialiste des sionistes. Il sera mal payé de retour puisque très vite, les travaillistes israéliens se tourneront non pas vers l'Est, mais vers l'Ouest. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors revenons à ce que vous disiez. Les sionistes devaient faire vite. Oui, il fallait faire échouer le plan de partition préconisé par l'ONU. Et surtout, la création d'un État arabe. Parce que cet État aurait mis à mal leur projet de s'emparer un jour de toute la Palestine. Bien entendu. Et pour réaliser leur plan, c'est-à-dire la création du seul État juif, ils vont se trouver un puissant allié. Qui ? Le roi Abdallah. Abdallah, le roi de Jordanie. L'ancienne Transjordanie qui devient indépendante en 1946. Abdallah est un souverain très malin. Depuis longtemps, il entretient des relations avec les sionistes, essentiellement parce qu'il est hostile au grand mufti de Jérusalem, Husseini. Et comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est à peu près ça, oui. Abdallah, tout comme les sionistes, ne veut pas d'un État arabe qui risquerait d'être contrôlé par son rival Husseini. Par conséquent, ses intérêts sont objectivement liés à ceux des juifs sionistes. Et il langue sur la Cisjordanie. Naturellement, la Cisjordanie et Jérusalem. Il y a un autre élément très important qu'il faut prendre en compte. Abdallah dispose d'une armée puissante et très bien entraînée. La fameuse Légion arabe. Oui, la Légion de Gholb Pacha. Une armée qui a été formée par les Britanniques et qui est la principale force militaire de la région. Et du côté sioniste, on sait très bien que si un conflit éclate, la Légion arabe risque de jouer un rôle majeur. Donc les sionistes vont essayer de conclure un accord avec Abdallah, c'est ça, hein ? Un accord qui va être négocié dans le plus grand secret. Du côté juif, c'est Golda Meirson qui est chargée de cette mission. Golda, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Golda Meir. Et quels sont les termes de cette négociation secrète ? C'est facile de l'imaginer. Si Abdallah ferme les yeux sur la création d'un État juif, les sionistes ne s'opposeront pas à l'annexion de la Cisjordanie par ce même Abdallah. Ouais. Une sorte de pacte de neutralité réciproque. Et une collusion évidente. Et Jérusalem ? C'est la pierre d'achoppement de cet accord secret. Et notez-le bien, c'est à Jérusalem que lors de la première guerre israélo-arabe, la Légion d'Abdallah combattra les troupes juives. Mais pour le reste, l'accord conclu entre Golda Meir et le roi Abdallah sera largement respecté. Et la neutralité de la Légion arabe expliquera en grande partie la victoire des forces sionistes sur la coalition des pays arabes. Ouais. Mais laisser Abdallah annexer la Cisjordanie, ça signifiait aussi renoncer au grand Israël ? Non, l'urgence c'était de créer un État juif. Ensuite, il serait toujours temps de voir. C'était la position de l'agence juive et de son chef Ben Gourion. Et l'avenir lui rendra en quelque sorte raison, puisque le Sahel occupera la Cisjordanie et Jérusalem lors de la guerre des Six Jours. En fait, en concluant cet accord secret avec les sionistes, Abdallah trahit donc son propre camp. Il le paiera très cher, puisqu'il sera assassiné à Jérusalem quelques années plus tard. Mais nous en avons déjà parlé ensemble. Il faut quand même ajouter qu'Abdallah, qui était un grand politique, n'a bien sûr jamais admis la réalité de cette collusion. Il a multiplié les déclarations faisant état de sa solidarité avec les Arabes de Palestine. Dans les faits, il n'en a rien été. Non, puisque sa légion s'est arrêtée à peu près aux frontières de l'État juif tel qu'il avait été dessiné par l'ONU. Je veux dire aussi que les Britanniques l'ont soutenu en sous-main. Après tout, il ne leur était pas désagréable que Abdallah, souverain d'un pays qu'il contrôlait étroitement, s'empare de la Cisjordanie. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître officiellement, puisque, en principe, ils étaient favorables au plan de partage établi par l'ONU. Cet accord secret a été conclu quand, exactement ? Oui, vous avez raison de poser cette question, car le rapprochement des dates est éloquent. C'est vers la mi-novembre 1947 que Golda Meir s'entend avec Abdallah. À la fin du même mois, l'ONU adopte officiellement le plan de partage de la Palestine. Et la guerre civile entre juifs et arabes éclate presque aussitôt. Oui. Et quelle est la position des Palestiniens vis-à-vis du plan de partage? Ils sont contre, bien évidemment. Mais comment aurait-il pu en être autrement? Le plan accordait 60% du territoire palestinien à une population qui représentait à peine 30% du total. En outre, non sans raison, les Palestiniens estimaient qu'ils étaient chez eux et qu'ils n'avaient pas à subir les conséquences des crimes commis contre les Juifs en Europe. Ouais. Ils étaient donc sûrs de leur bon droit. Oui, et ça explique en partie leur passivité, au moins dans un premier temps. Malgré cette guerre civile qui s'installe, beaucoup de villages arabes préfèrent passer des accords de non-agression avec leurs voisins des colonies juives. Ce qui n'exclut pas, évidemment, que des miliciens arabes attaquent d'autre part des populations juives et se livrent à des massacres. Mais jusqu'à la proclamation officielle de l'État d'Israël, en mai 48, on n'a pas assisté à une tentative globale de s'opposer au partage. Parce que les Palestiniens n'y croyaient pas? Je le pense, oui. Ouais. Et de l'autre côté, là, est-ce que les sionistes acceptent, eux, le plan de partage? Apparemment, oui. Et pourquoi apparemment? Parce que Ben-Gourion a bien l'intention de ne pas s'en tenir aux frontières tracées par l'ONU. Il veut un territoire plus grand. Naturellement. Oui. D'autre part, il se pose aux sionistes un problème démographique préoccupant. Quoi? Dans l'État juif tel qu'il est défini par l'ONU, 45% des habitants sont arabes. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ces arabes peuvent devenir majoritaires. S'ils font beaucoup d'enfants. Exactement. Et c'est inacceptable pour les sionistes qui veulent demeurer maîtres chez eux, alors tirez-en la conclusion. La conclusion, il faut obtenir le départ des Arabes. Et c'est ce qui va être fait pendant ces terribles mois de la guerre civile israélo-palestinienne. Non seulement les sionistes vont grignoter petit à petit le territoire attribué aux Arabes. À l'exception de la Cisjordanie. Bien entendu, ouais. Puisque c'est le sens de l'accord conclu avec le roi Abdallah. Mais ils vont aussi tout faire pour faire partir les Arabes, de gré ou de force. Mais bien sûr, ils ne le reconnaîtront jamais. Et je vous le disais au début de cet entretien, encore aujourd'hui, cette question est taboue. Car elle touche à l'existence même de l'État hébreu. Oui. Vous avez dit qu'il fallait faire partir les Arabes de gré ou de force. Oui, et c'est terrible parce que ça voulait dire que le peuple qui avait été victime de la Shoah allait se livrer lui-même à une opération de purification ethnique, comme on dit aujourd'hui. Les dirigeants sionistes pouvaient-ils le reconnaître? Bien évidemment non. Ils auraient ruiné le capital de sympathie qu'ils avaient acquis dans l'opinion internationale. Oui. Par conséquent, il fallait garder le secret. À tout prix. J'interromps ici ce long entretien consacré à la naissance d'Israël. Nous y reviendrons la semaine prochaine en voyant dans le détail comment les Palestiniens ont quitté leurs terres et leurs villages. Dans un livre intitulé « Le péché originel d'Israël » paru aux éditions de l'Atelier, le journaliste Dominique Vidal analyse les textes des nouveaux historiens israéliens comme on les appelle. Il revient longuement sur la duplicité du roi Abdallah. Je le cite. Aux émissaires de l'agence juive, il répète qu'il accepte la naissance d'Israël s'il peut récupérer l'État arabe. Recevant le président de l'UNSCOP, il s'agit de la commission d'enquête des Nations Unies, à Amman en juillet 1947, le roi affirme au contraire qu'il sera difficile pour les Arabes d'accepter un État juif, même sur une partie de la Palestine. Mais il envoie un message rassurant au ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, au-delà des discours tactiques, la Transjordanie souhaite un partage qui lui garantirait la Palestine arabe. En revanche, au comité politique de la Ligue arabe, réuni au Liban à la mi-septembre, le premier ministre transjordanien vote la résolution prônant l'indépendance de la Palestine et mettant en garde contre la création d'un État juif, présenté comme menant inévitablement à une explosion de violence au Proche-Orient. Cependant, précise l'historien Avi Shaim, dès le tout début, l'attitude de la Transjordanie était faite de scepticisme et d'extrême réticence à coopérer sur la base de plans conjoints d'intervention militaire en Palestine. Pour Abdallah, le déploiement de sa légion arabe ne peut avoir qu'un but, le contrôle du territoire assigné par les Nations Unies à l'État arabe de Palestine en vue de son annexion au royaume et doit donc être coordonné avec l'agence juive, dont l'intérêt montre Avi Shaim converge avec celui du roi. À samedi prochain pour la suite de ce récit très polémique. Et je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous, franceinter.com sur Internet bien sûr, et ce site vous permettra également de réécouter notre émission.